Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. On va parler de golf avec notre ami Roger Caron, c'est la chronique du club de golf de Saint-Prime. Salut Roger! Hey, bonjour Daniel, comment ça va? Ça va bien, Roger. On va évidemment, c'est votre grosse fin de semaine, c'est le week-end golf à Saint-Prime. Comment ça va les inscriptions? Ça va très bien. Si on regarde notre Saint-Prime Open, si on voit là, la tendance se maintient, on devrait avoir 136 joueurs. Okay. Ce serait excellent. Alors, c'est ce qu'on prévoit. Et puis, je te dirais qu'on a beaucoup de capitaines de qualité, beaucoup de joueurs de qualité. Et puis, naturellement, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, on peut prendre encore des inscriptions, Dani. Jusqu'à midi, on peut prendre encore des inscriptions. Et puis, tout le monde qui sont intéressés peuvent communiquer à mon bureau, au poste 27. Et puis, on va prendre encore des joueurs pour le vendredi, le Saint-Prime Open. OK. Si on parlait un peu de comment, les comparativement à l'année passée, c'était comment? Ben, regarde, je te dirais, Dani, l'an passé, je crois qu'on était 152. Okay. Mais je te dirais que cette année, notre objectif, on visait 128 ou 136. Pourquoi 128 ou 136? C'est qu'on y va toujours par multiple de 8, parce qu'il y a deux équipes de 4 partout. Mm. Alors, c'est pour ça qu'on y va par multiple de 8 comme ça. Alors, ce qui veut dire qu'on visait 128 ou 136. Alors, on est vraiment, vraiment dans nos objectifs. Et je peux dire que les gens sont très satisfaits jusqu'à là. OK. Donc, ça va commencer. Ça commence demain, je pense, si je ne m'abuse, hein? Ben, c'est-à-dire que oui, demain, nous avons la mafia d'ouverture, ouais. On l'appelle. Alors, on a déjà tout près de 60 à 70 joueurs pour la mafia d'ouverture. Alors ça, c'est les gens qui viennent jouer un petit tournoi pour se familiariser avec le terrain. Le soir, à 17h, nous avons ce qu'on appelle un 5 à 7, okay, avec la pizza Salade César, un prix très, très, très bon à 5$. Et tout de suite, à 19h, nous procédons au repêchage pour tout le tournoi du vendredi. Okay. Alors, c'est vraiment une belle journée demain encore. Et ça, même si les gens ne jouaient pas le Saint-Prime Open, peuvent s'inscrire à la mafia de demain jeudi. OK. Donc, cette année, l'année passée, je me rappelle, il y avait eu quelque chose d'intéressant, un genre de forfait pour gagner un week-end, un voyage à Las Vegas. Cette année, il n'y en a pas, c'est ça? Ouais. Non, cette année, on l'a pas fait, le MSOP, qu'on appelle. Ouais. On l'a pas inclus dans notre tournoi. Par contre, on dit pas qu'on le refera pas éventuellement. Mais cette année, on avait passé une année en ce qui concerne le concours de potée. OK. Donc, on va oublier. Donc, ça commence demain, tout au long de la fin de semaine, évidemment. Cette année, Dani, c'est qu'on l'a fait sur deux jours. On l'a fait sur le jeudi et le vendredi. Et tout simplement parce que on voulait vraiment insister sur le Saint-Prime Open, et c'est exactement ce qu'on a fait. Pourquoi vous ne faites pas ça le samedi-dimanche? Bon, c'est parce que samedi-dimanche, en passant, on avait d'autres choses qui s'intégraient. Okay. Que cette année, comme on disait, on a passé pour voir en tout cas qu'est-ce que ça allait donner comme ça. On y va de cette façon-là, mais on ne dit pas qu'on ne reviendra pas sur autre chose une autre année. Ce qui est important, c'était vraiment de s'occuper de notre Saint-Prime Open, et présentement, c'est un succès, là, jusque maintenant, avec les inscriptions. Mmh. Alors, ça va être comme ça. OK. Donc, maintenant, on va parler des promotions, maintenant. Oui. Dans le moment, Daniel, on a nos promotions, toujours les promos des travailleurs, où ce que nous avons, à partir de 15h, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Alors, 15$, mettons, pour jouer un nombre de trous illimité. Ça veut dire qu'à partir de 15h, tous les gens qui viennent jouer peuvent jouer 9, 12 trous, 18 trous. Même ils voudront jouer 24, si on le temps, on les laisse faire, ça coûte 15$. Puis s'ils veulent avoir avec une voiturette motorisée, ça coûte 25$. Mais en plus, on le met aussi que si jamais ils sont deux personnes, ça coûte 40$ avec la voiturette. Alors, pour jouer au golf illimité à partir de 15h. OK, OK. C'est puis il n'y a pas de week-end de dames ou de la journée des dames, ça, c'est quand ça? C'est tout le temps le mardi. Ouais. C'est notre ami Jonathan Lambert qui s'occupe de cette soirée-là. Okay. Et à tous les mardis soirs, il y a la soirée des dames où ce que Jonathan donne des leçons et va sur le terrain aussi. Alors, c'est vraiment une belle activité pour les dames. Alors, ça, c'est le mardi soir. OK, OK. Ben, Roger, ça fait pas mal de tour. On s'en reparle le mardi prochain. On s'en reparle mardi prochain. Je te donne les résultats et je te donnerai toutes les... qu'est-ce que ça a donné dans notre Saint-Prime Open de cette année. OK, donc voilà. Donc, c'était le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Roger.